suite. Sinon, c'est un véritable tube, gros carton du moment. Voici le dernier Prida avec Mouani. Remains on top. NZMD à l'instant sur Galaxy avec le Turning the Curve, la version originale sortie sur le label Electronic Elements. La suite tout de suite en souvenir avec Sinus X Orange Theme. Et juste derrière, on restera dans la trance avec le Infinity Loops. bricks flow, bricks flow. Meant to happen, meant to happen. Get on with the show. Tell me something that, I don't know, I don't know. Where I come from, where I come from. Where do I go? Sudden changes that, bricks flow, bricks flow. Meant to happen, meant to happen. Get on with the show. Gotta get up now. Be myself. Can I wait now? From no one else. Gotta get out. Find a way. Gotta be happy. Come on, man. C'est du gros son quand même, hein. Compilation Tuning Beats 2007.3 avec le DNG. We Love Friday. Forcément, c'est l'ambiance du vendredi soir. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Allez, un petit peu de douceur quand même parmi ce monde électronique avec un superbe extrait de l'album de Alcov sorti il y a quelques temps maintenant. Voici tout simplement Morning Alone sur Galaxy. music remains on top. Avec un instant le Chris Montana, ça sonne un petit peu tout ce qui est ambiance Hill, et bien forcément c'est sur le label IT Groove avec le titre Porno Hustle. Bon, je sais pas si un clip de fait, mais à mon avis ça va être assez chaud comme la braise. Sinon la suite de la musique avec le Whirlpool Productions, voici From Disco to Disco. Alors pas la version originale que vous connaissez très très bien ma foi, mais plus un remix en plus d'artistes qui cartonnent en ce moment. Voici le remix de Trick and Cubic. It's trying to get down to the from disco to disco, town across town. Everybody is trying to get down to the Just Techno. We'll be right back. Galaxy. Welcome to the world of music. Best House and Techno Records. Instant avec Kong, extrait de Lagoa numéro 10. Et juste avant, il y avait le Claude Van Strolk avec le Who's Afraid. La suite en jump style avec le Ruthless et JG Juarez. What's Wrong, extrait de la compilation Tuning Biz 2007.3. Galaxy, just techno. How can it be wrong? Music. music remains on top. Dum dum dum dum dum dum da dum. up the stairs. I walked down the hall into your room. extrait de la compilation Café Del Mar, le volume numéro 9, compilé par Bruno. C'était à l'instant le fameux titre de cet excellent groupe qui s'appelle La Rue du Soleil avec Troya, qui avait sorti d'ailleurs plusieurs albums. Ils doivent certainement être encore dans la course de l'ambiance et de tout ce qui est down tempo. En tout cas, vous retrouvez cette sélection dans l'émission Prélude le dimanche soir à partir de 22h. Vous trouvez également tous les track listings de cette émission sur le forum de Galaxy. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. Thank you. Music. Avec un instant DNJ, c'était We Love Friday sur la compilation Tuning Wheels, sorti le troisième volume en tout cas de cette année. La suite de la musique en souvenir, retour en 1996, le 30 avril pour être exact, et encore la date dessus sur le vinyle, sur le label Yeti Records. Voici Green Velvet avec The Stalker. Galaxy. Only House. We'll be right back. You don't want me around. Welcome to the world of music. Avec un instant Lopez, l'une des dernières productions du label Get Physical Records avec le Too Fast For You. Juste avant, c'était Italo Boys, Victor Casanova sur le label Mothership Records. Et on continue dans la bonne musique avec d'ici quelques instants le Pullover, suivi par Noël Seiner. Et il y aura juste avant, c'est-à-dire tout de suite, souvenir de la compilation Extrême. Voici Barbarella. Galaxy, the best house and techno records. Et pas n'importe quel Barbarella, car c'est celui de Tim Dawson, souvenir sur Galaxy. We'll be right back. The Empire of House Music.